究をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir, bienvenue dans le Beau Bizarre avec Cédric et Alex pour une émission qu'on a aujourd'hui organisée sans thématique particulière. Mais qui finalement a une certaine unité. Plutôt, oui, je trouve aussi, enfin les auditeurs en jugeront, ça sera assez électro quand même, mais avec différentes ambiances quand même, hein, on verra qu'il y a différents artistes, donc comment utiliser les musiques électroniques pour créer des ambiances personnelles. Et on va commencer avec Elle Vampires et Maria Minerva. Donc la réunion de ces deux artistes qui partagent qui sont sur le même label, Not Not Fun, label californien. Et c'est vrai c'est pas très amusant. Eh ben pourtant si, plutôt. Mais enfin il y a quand même une inquiétude hein, dans cette musique. Il y a quelque chose d'assez décadent, d'assez mélancolique. Et donc cet album s'appelle Intégration. Ça vient de sortir. Le titre c'est Seasons Change. Et voilà, c'est une sorte de house électro assez bancal, expérimental aussi, très influencé par le dub, beaucoup d'effets delay écho qui est pas pour nous déplaire d'ailleurs. Hein, tout à fait. Au contraire. Tout à fait. Et donc c'est parti pour Season Change. So Eh bien, vous venez d'entendre Holly Hauser, musicien de dubstep de Manchester. Le titre, c'était Where, et c'est tiré de son premier album pour le label Triangle, qui s'appelle Eld, et voilà, ça vient tout juste de sortir. Donc une dubstep, là aussi, assez marquée par la mélancolie, la froideur des villes du nord de l'Angleterre. Enfin, c'est vraiment un album à découvrir, quoi. C'est un petit peu dans le même univers que Burial, mais peut-être encore plus lent, encore plus pesant. Et c'est un label que tu connais, toi ? Parce que Triangle, moi, je sais pas. Eh bien, écoute, je connaissais, non, le précédent maxi de Eld. D'accord. Enfin, de Holly Hauser, pardon. Et c'est tout. C'est vrai que c'est un label sur lequel j'ai pas encore vraiment creusé. Mais il y a quand même pas mal de sorties, hein. Enfin, bon. Plus ou moins dans ce style. Dans ce style, ouais. Voilà. Bon, on va rester en Angleterre, un peu plus au sud, puisqu'on va aller du côté de Bristol. Pas pour du dubstep, plutôt pour un rock très noisy, très abrasif, avec un côté kraut et un côté donc électro assez psyché, puisqu'on va écouter un extrait des Fuck Buttons sur l'album Tarot Sport. Déjà, rien que le titre Tarot Sport, ça fait quand même penser à l'Allemagne des années 70, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc... le morceau s'appelle The Lisbon Maru, et cet album il est produit par Andrew Weatherall, un des artistes de Toulon Swordsman, donc un des grands DJ et producteurs électro qui a travaillé notamment sur le label Warp. Et donc c'est un album qui est sorti en 2009. Voilà, donc avec une ambiance très très psyché, noise, qui atteint parfois un peu une sorte de bruit blanc, avec peut-être une production un peu trop écrasée parfois, et c'est dommage parce que ça aurait pu être plus explosif, mais peut-être que c'est voulu aussi, qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop organique, explosif, c'est possible. Bon, voilà. D'ailleurs, on va s'en rendre compte avec ce morceau hypnotique, hein, The Lisbon Maru, qui quelque part finalement n'explose jamais vraiment. Voilà, les Fuck Buttons, un duo de Bristol. eh bien c'était Fuse. Fuse est le morceau FU. Derrière ce pseudo se cache le grand Richie Hawtin, qui est devenu très célèbre maintenant, mais qui a commencé comme beaucoup de producteurs électro dans des petites boîtes et dans des home studios du côté de Windsor au Canada, après avoir fréquenté aussi beaucoup de l'autre côté de la frontière à quelques kilomètres. La grande cité de la musique, la musique populaire américaine, hein, Détroit. Ben que dire, hein, donc ça là, on vient d'écouter un morceau très emblématique de ce genre qu'il a développé donc au début des années 90, hein, puisque le morceau date de 1991, donc une techno abstraite, mais aussi très léchée et très sensible. C'est quand même la grande classe, ce garçon. Ah, c'est la classe, absolument. Et c'est vrai que bon, il a atteint un petit peu un sommet ensuite avec Plastic Man. J'ai l'impression qu'il se perd un petit peu maintenant, peut-être dans des projets un peu massifs, en live, qui sont un peu peut-être excessifs, un peu emphatiques. Mais enfin, bon, il faut quand même le suivre toujours d'un petit coin d'oreille, de l'oreille, parce qu'on sait qu'il est capable de faire des choses formidables. Absolument, ou suivre aussi les productions de son label. Hein, alors lequel? De Plus 8? Alors Plus 8, peut-être, ou moi, minus. Parce que là, c'est vrai que là, le morceau que vous venez d'écouter, donc, c'est sorti sur le label qu'il a créé donc, au début des années 90, Plus 8, avec son ami John Acquaviva. Mais en fait, je ne sais pas du tout si ce label sort encore des... Non, je crois que c'est Minus. Ouais, c'est Minus. C'est Minus maintenant. Bon, qui est assez proche, de toute façon, de cet esprit-là. Voilà, exactement. Dans le même esprit, très minimal, avec des productions toujours, effectivement, absolument fantastiques, quoi. Sophistiquées, mais en même temps... beaucoup de relief. Pas du tout prétentieuses, quoi. Bon, eh bien, on va continuer. Bah, écoute, ça tombe bien. Hein. Là, on était au Canada, juste de l'autre côté de Détroit. Et puis, bah, justement, on va aller à Détroit avec Doppler Effect, qui est un des projets de Gerald Donald, une des moitiés du groupe Drexia. Le titre, c'est Linear Accelerator. Non, c'est l'album, pardon, excusez-moi, Linear Accelerator, le titre c'est X Mécanisme. C'était sorti sur le deuxième album de Doppler Effect, paru sur le label de DJL, International DJ Gigolo, en 2003. Donc c'est une électro très kraftwerkienne, assez froide, avec très peu de rythme, qui voilà, démontre d'ailleurs l'évolution de Doppler Effect vers une musique beaucoup plus ambiante, beaucoup plus atmosphérique. Donc on vous laisse avec X Mécanisme. Thank you. Eh bien, c'était Wolfgang Voigt qui nous revient avec un titre assez puissant, hein, presque industriel, qui s'appelle Rückversauberung 6-3. Alors, traduction. J'ai pas cherché. Alors voilà, ben oui, exactement. Alors, j'ai tapé Rückversauberung assez rapidement sur Google. Bon, j'ai trouvé un livre en fait, mais j'ai pas réussi à trouver la traduction sur le premier dictionnaire que j'ai utilisé. Donc peut-être écrire à Wolfgang pour en savoir un petit peu plus. Non, mais c'est surtout il faut chercher de manière plus approfondie. Un livre qui pourrait avoir un rapport peut-être avec qui pourrait certainement avoir un rapport, oui, j'imagine une influence peut-être pour Wolfgang Voigt. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en grande forme en ce moment. Qui est en grande forme en ce moment, c'est vrai, rappelez-vous, je crois qu'on n'en a pas passé en fait pas dans encore. L'émission encore, mais ça ne saurait tarder. Kafka Trax, son dernier album sorti en fait à ce jour, donc il utilise la voix enregistrée de Kafka et qui arrive à faire groover ça, mais ouais. Avec quand même quelque chose d'assez... Ben, une dimension, pour le dire simplement, kafkaïenne. Kafkaïenne, voilà, exactement. Bon, et puis on va, pour terminer, passer un titre de Lawrence English que nous avions déjà passé précédemment. Ouais. Cédric avait passé un titre il y a quelques semaines dans l'émission. Donc le morceau, ça sera Galaxies of Dust, tiré de l'album Color for Autumn, un album qui est malheureusement épuisé, qui n'est pourtant sorti qu'en 2009, mais évidemment... Pour ce type d'artiste, les éditions CD sont souvent très limitées, donc il faut réagir très vite. Bon, sinon, il vous reste quand même des blogs sur Internet, justement pour. Faut faire comme Alex, faut passer du temps sur Internet. Voilà. Et d'ailleurs, justement, vous pouvez aller traîner sur lebeaubizarre.blogspot.com pour trouver toutes les infos relatives. Donc aux sélections et des petits clips aussi mis en ligne par Fabrice en rapport avec ce que nous avons passé dans l'émission. Voilà, et bien on vous dit bonsoir à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice et une émission consacrée au vent. Au vent. Voilà. Tout un programme. Salut à tous. Salut à tous. Bonne nuit.